Chapitre 22e. Si attentive qu'elle eût été à gagner l'affection de Denise, l'institutrice n'avait point négligé pour cela cependant le soin de s'attacher, par un lien quelconque, les autres habitants de Rudemont. Les leçons qu'elle donnait à son élève étaient en effet pour elle article de foi. Plaire était le but de sa conduite, plaire à tous, aux puissants comme aux faibles, aux jeunes comme aux vieux, aux maîtres comme aux domestiques. De là qu'on pouvait lui être utile soit dans le présent, soit dans l'avenir, elle ne faisait pas d'exception à cette règle, et pour réussir, elle était prête à tout sacrifier, son temps, sa peine, son esprit, sa fierté, tout. Le sourire reconnaissant qu'elle accordait à la femme de chambre qui la servait était aussi aimable, bien que tombant de haut, que celui qu'elle adressait au marquis. Après Denise, les deux personnes dont elle avait voulu tout d'abord faire la conquête avaient été Madame Méraud et Monsieur de Carquebus. Peut-être plus tard serait-il ennemi, cela même était probable, mais elle considérait que c'était une bonne précaution à prendre que de commencer par être l'ami de celui dont on deviendra un jour l'adversaire. On apprend ainsi à connaître ses côtés faibles et les places sensibles où l'on pourra sûrement le blesser. En attendant la déclaration de guerre, elle les ferait causer et dans l'épanchement de l'intimité, elle tirerait d'eux bien des choses qu'elle avait intérêt à connaître. Ce plan, elle avait arrêté avant même d'entrer à Rudemont, au moment où en chemin de fer le marquis lui avait parlé de son cousin et de sa cousine. Aussi, dès le jour même de son arrivée, avait-elle commencé à faire sa cour à Madame Méraud, sans obséquiosité bien entendu, sans bassesse, simplement, naturellement, Madame Méraud étant la maîtresse de la maison, on lui devait déférence et respect. Jugeant alors la situation d'après les recommandations du marquis et le désir qu'il avait exprimé à satiété de voir régner la paix la plus parfaite au château, elle s'était attendue à ce que ses politesses seraient reçues de haut. L'institutrice devant, selon ses prévisions, partageait la version qu'inspirait l'élève. Grande avait été sa surprise lorsqu'elle avait vu qu'au lieu de la repousser et de la tenir à distance, on semblait vouloir l'attirer. Tout d'abord, elle avait été un moment déconcertée. Ce n'était moins elle qui faisait des avances à Madame Méraud, c'était Madame Méraud qui lui en faisait à elle. C'était le monde renversé. Qu'est-ce que cela signifiait? À quoi cela tendait-il? Et son premier mouvement avait été la défiance. Jugeant les autres d'après elle-même, elle avait peur de ceux qui cherchent à plaire. Qu'elle voulut gagner les bonnes grâces de Madame Méraud, cela s'expliquait tout naturellement. Elle avait besoin d'elle. Mais que Madame Méraud voulut gagner les siennes, voilà ce qui ne s'expliquait ni aussi facilement ni aussi naturellement. En agissant ainsi, la vieille dame avait assurément un but. Quel était-il? Alors il s'était joué entre ces deux femmes une comédie qui parfois, et alors qu'elle se savait seule en toute sûreté, faisait sourire l'institutrice. C'était à qui aurait le plus de prévenance, le plus de politesse, le plus d'amabilité. L'une l'emportait un jour par le miel exquis dans lequel elle enveloppait ses tendresses, l'autre l'emportait le lendemain par le charme de l'imprévu. Que n'avait-elle des spectateurs intelligents pour les applaudir? Plus d'une fois, Clémence regretta de n'avoir pas là son mari. Elle eut bien ri avec lui. Du côté de M. de Carquebus, elle n'avait pas rencontré un moins bon accueil. Mais par cela seul qu'il était un homme, et par cela aussi qu'il reniflait si drôlement en la regardant, suivant le mot dont elle s'était servie dans sa lettre à son mari, elle s'était rassurée. Il y avait une explication toute naturelle à cette amabilité, et il ne lui avait pas fallu longtemps pour la trouver. D'ailleurs, M. de Carquebus s'était empressé de la lui marquer d'une façon nette et précise. Avant l'arrivée de Denise à Rudemont, le marquis, Madame Méraud et M. de Carquebus prenaient leur repas sur une table formant un carré long, placé au milieu de la salle à manger. Le marquis occupait un des côtés de cette table, Madame Méraud lui faisait face, et M. de Carquebus se trouvait à l'un des bouts, l'autre restant vide. Lorsque le nombre des convives, de 3 qu'il avait été pendant 10 ans, s'était trouvé porté à 5, il n'y avait point eu de changement dans ses dispositions. Seulement le marquis avait mis Denise à sa droite, c'est-à-dire entre lui et M. de Carquebus, et l'institutrice avait été placée à la gauche de Madame Méraud, c'est-à-dire entre celle-ci et M. de Carquebus. Le bout inoccupé restait vide, excepté les jours où Louis Méraud venait dîner au château. Au moment où M. de Carquebus était venu sur le perron, Clémence avait été frappée de la façon dont il la regardait, car c'était un homme franc, au moins dans ses désirs, que le cousin Artem, et qui ne se gênait pas pour dire à une femme les sentiments qu'elle lui inspirait. Elle était à table à peine depuis 5 minutes, quand elle avait senti un pied s'approcher du sien, le frôler tout d'abord, puis bientôt après le presser doucement. N'y avait-il là qu'un contact involontaire? Elle avait reculé son pied, on l'avait suivi. Elle l'avait reculé encore, on l'avait suivi de nouveau. Alors, levant la tête, elle avait regardé M. de Carquebeu en face. Celui-ci, penché sur son assiette, d'un air préoccupé, s'était doucement redressé et en dessous il avait cligné de l'œil de son côté. Il n'y avait pas à s'y tromper, l'intention était évidente. Vivement et avec un certain tapage, plus même peut-être qu'il n'était strictement nécessaire, elle avait replié ses jambes et caché ses pieds sous sa chaise, de telle sorte qu'il était tout à fait impossible de venir les y chercher. Plusieurs fois, M. de Carquebeu avait regardé de son côté, mais elle avait soigneusement évité de rencontrer ses yeux. Le lendemain, entrée la première dans la salle à manger, elle avait mis un tabouret sous la table devant sa chaise. À peine assise, elle avait senti qu'on touchait son tabouret. Elle n'avait pas bougé, et gravement elle avait étalé son beurre sur son pain. Bientôt, le tabouret avait été secoué par des petits mouvements saccadés, mais tout à coup, les mouvements avaient cessé. Évidemment, M. de Carquebeu s'était aperçu qu'il pressait un morceau de bois et non un pied. Alors, retournant la tête vers lui, elle l'avait regardé avec un sourire moqueur. Furieux, il s'était versé un grand verre de vin qu'il avait avalé d'un trait. Cependant, il ne lui avait pas tenu rancune de cette leçon, et comme après le dîner elle passait près de lui, elle l'avait entendu murmurer d'une voix étouffée. « Je connais une jolie petite pouliche qui a bien de la malice. » La finesse de ce compliment n'était pas pour la retenir. Elle avait continué son chemin sans tourner la tête. Deux jours après, traversant un corridor, elle s'était sentie prise dans deux bras vigoureux. C'était M. de Carquebeu. Elle s'était vivement retournée, et sans chercher à se dégager, elle l'avait regardé de telle sorte qu'il avait ouvert les bras. « Je dois croire que vous vous êtes trompé, n'est-ce pas ?» Ne trouvant rien à répondre sur le moment, il l'avait laissé passer. Mais le lendemain, le courage lui étant revenu avec la réflexion, il l'avait attendue à la même place. Seulement, comme elle se tenait sur ses gardes, il n'avait pas pu la saisir comme la veille. Il avait couru après elle. « J'ai à vous parler. » Elle s'était brusquement arrêtée. « Eh bien, monsieur, parlez, je vous écoute. Pas ici. Entrons dans cette pièce, où nous serons seuls. » Le regard de la veille était de nouveau tombé sur lui. « Je vous jure que j'ai à vous parler de choses intimes, pressantes, que je ne puis vous dire qu'en particulier. » « Eh bien alors, monsieur, si cela est vrai, écrivez-moi. Vous savez bien que je ne puis pas vous écouter en me cachant. » Lui écrire, se moquait-elle? Lui qui, pendant toute une nuit occupée, avait eu pour règle de conduite qu'avec les femmes, il n'est pas nécessaire de parler, agir suffit. Et celle-là voulait qu'il l'écrivît? Croyait-elle qu'il était un paysan et qu'il ne savait pas écrire? Cette idée l'avait décidée, car il suffisait qu'on le supposât incapable de faire une chose pour qu'il la fît aussitôt. Mais quoi lui écrire? À 58 ans, c'était sa première lettre d'amour. Que diable pourrait-il bien dire? Dans le tête-à-tête, on trouve un tas de choses, et puis la pantomime peut remplacer les paroles avec plus ou moins d'avantages. Mais devant une feuille de papier blanc, la pantomime est insuffisante. Après s'être creusé la tête inutilement pendant près d'un quart d'heure, il avait renoncé à écrire. « Quand je trouverai quelque chose, elle se ficherait de moi. » Mais bientôt il était revenu à cette maudite feuille de papier, car cette petite diablesse, avec ses sourcils noirs et sa taille souple, lui avait mis le feu dans le sang. Il fallait lui dire quelque chose. Est-ce qu'il n'y a pas des livres dans lesquels on trouve des lettres d'amour toutes faites? Certainement, elle ne copierait pas une de ces lettres, mais enfin, elle lui indiquerait comment on écrit aux femmes, et lui donnerait le ton. Malheureusement, au fait de livres, M. de Carquebeu n'était pas riche. Le seul auteur qu'il eut dans son appartement était Béranger. C'était le seul aussi qui n'eût jamais lu et relu, non pas dans ses chansons politiques, la politique l'ennuyait, mais dans ses chansons légères. Petite bonne, agaçante et jolie, d'un vieux garçon doit être le soutien. Jadis ton maître a fait maintes folies pour des minois moins friands que le tien. Il ne pouvait pas lui dire cela, cependant, même en prose, même en remplaçant bonne par institutrice, ça n'irait pas. Il avait, il est vrai, la ressource de la bibliothèque du château, où il y avait des livres de toutes sortes. Mais comment diable, au milieu de ses livres, trouvait celui qui lui fournirait un modèle? Sa mémoire, peu riche en souvenirs littéraires, ne lui donnait aucun nom. De guerre lasse, il renonça à cette idée et bravement, se mettant devant sa feuille de papier qui lui avait fait passer un si mauvais quart d'heure, il écrivit, d'une grande et grosse écriture, la lettre que voici. « Veuillez laisser la porte de votre chambre ouverte cette nuit. À minuit, quand tout le monde dormira, et par conséquent alors qu'il n'y aura rien à craindre, j'irai vous trouver sans bruit. Ce que j'ai à vous dire ne peut pas s'écrire. » Fallait-il signer ? Un moment, il avait hésité, mais la réflexion lui avait dit qu'on signe toujours une lettre, et bravement, reprenant la plume, il avait écrit tous ses noms, Artem, Fabu de Carquebus.